Alors que cet après-midi à 14h30 à la Sorbonne, nous retrouverons une partie de nos auditrices et de nos auditeurs pour le forum sur le nouvel âge de la politique. Vous pouvez d'ailleurs vous y inscrire encore sur le site de Radio France. Nous poursuivons ce matin notre série « Apparaître aux yeux du monde » en nous intéressant à la mode des sports d'hiver. Hier, l'historienne Odile Blanc nous a expliqué comment le vêtement pouvait avoir une histoire. Et avant demain de nous intéresser aux relations de la mode à l'environnement, ce matin, avec Anaïs Quien, qui a préparé cette semaine et qui co-animera cette émission avec moi, nous allons nous demander comment est née, comment s'est développée la mode du vêtement de sport d'hiver. Nous le ferons grâce à des textes qui seront lus pour nous par Elsa Dupuis et qui seront commentés par l'historien Régis Boula. Il est maître de conférence à l'Université de Haute-Alsace à Mulhouse et il a donné un article récent sur ce thème au dernier numéro, le numéro 3 de la revue Mode Pratique sur les saisons. Les lunettes, mais attention aux coups de soleil et aux marques des lunettes. Anorak en nylon, très classique. Pullover blanc rebrodé de laine au ton roux et vert. Anorak noir matelassé doublé de rouge. Fuseau en élastique. Ici, le chandail est très classique. Une simple rayure blanche et rouge. Veste à capuchon en mohair des Pyrénées, très chaude et très douillette. Pullover à large rayure, tabac blond et noir. Maintenant, mes amis, si vous ne pouvez dépenser une somme allant environ de 400 à 500 francs, vous pouvez toujours louer skis et chaussures. Il me reste à vous souhaiter bonnes vacances et surtout bonne neige. Quand on fait du ski depuis un certain temps, on sent la nécessité d'avoir un vêtement approprié à la neige. Mais cette transformation doit se faire peu à peu et résulter d'un besoin réel. Celui qui, avant même de faire son apprentissage, court chez son tailleur, ne deviendra vraisemblablement jamais un grand disciple de notre sport. On doit d'abord se contenter de ce qu'on a. Celui qui, dans le courant de l'année, arrive petit à petit et par suite de l'expérience acquise à une organisation confortable, sera plus heureux que s'il achetait en une fois tous les accessoires jusque dans leurs plus petits détails, d'après un catalogue ou un livre, comme on le fait souvent. Un extrait du livre « Les sports de neige » paru en 1912 chez Hachette, donc signé Anton Fendrich, qui était un écrivain et homme politique allemand, qui a écrit plusieurs livres sur la randonnée et la montagne. Tout de suite après cette archive de 1966, on voit bien la différence entre un texte de 1910 et de 1966, l'évolution de ces sports de glisse et de ski dont on va parler pendant toute cette émission. Avec vous, Anaïs Quien, bonjour. Oui, bonjour Emmanuel, bonjour à tous. Et avec vous, Régis Boula, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Comment appréhende-t-on cette question de la mode du sport d'hiver quand on vous lit, en particulier dans l'article que vous avez écrit pour le dernier numéro de Mode Pratique consacré aux saisons? Vous semblez dire que vous êtes un peu isolé, vous n'êtes pas très très très nombreux à travailler sur cette question de la technique, du sport et du vêtement qui va avec. Effectivement, tout de suite après ma thèse que j'avais consacrée à Fourastier aux Trente Glorieuses, c'est à la faveur d'un post-doc que j'ai fait à l'Université de Grenoble sur une entreprise grenobloise de fabricants de tentes pliables, qui était l'entreprise Jamais, que je me suis rendu compte qu'il n'y avait absolument rien fait par mes petits collègues historiens économistes sur des leaders mondiaux et des géants de la région comme Rossignol, Salomon, Moncler, Et du coup, avec mes collègues socio-économistes du sport d'Université de Lyon 1, avec mes collègues historiens de Grenoble, on a monté un projet de recherche qui a été financé par l'Agence nationale de la recherche, qui nous a permis, ma foi, de travailler la question. Mais et je pense qu'on a fait œuvre un peu de pionnier, du coup, puisqu'il n'y avait rien à ce moment-là sur le secteur. À quelle époque, ça, à peu près? Au milieu des... Enfin, 2010, 2008, voilà. C'est donc très récent. C'est donc très récent, oui. Anaïs Kien. Oui, Régis Boula, le ski s'est grandement démocratisé au fil du XXe siècle, mais lorsqu'on écoute ce premier extrait de texte lu par Elsa Dupuis, on entend un premier commandement d'entrée en ski, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, c'est vraiment un sport d'élite. D'ailleurs, on pratique davantage l'alpinisme que le ski, je crois, avant la Première Guerre mondiale. Mais je pense que le ski ne s'est pas démocratisé. Des statistiques récentes, bon, c'était dans Le Monde, il n'y a pas si longtemps que ça, qu'aujourd'hui, seulement 7 à 8% des Français vont au sport d'hiver une fois par an, et on est en pleine vacances scolaires. Donc les Français qui nous écoutent, ils sont peut-être. Et ça ne concerne qu'une toute petite partie des gens. Alors certes, c'est beaucoup plus qu'à la fin du 19e, le moment où on a vu se développer les sports d'hiver, où là, la pratique ne concernait qu'un tout petit nombre. Très favorisée, une élite à la fois urbaine. En ce sens, ça n'a pas fondamentalement changé aujourd'hui. Et qui n'a pas de costume, d'ailleurs. On se cherche un vêtement. On se cherche un vêtement, oui, effectivement. Puisque les débuts de la pratique vont s'accompagner de l'apparition d'une mode spécifique qui a un certain nombre de caractéristiques. La première... c'est que on utilise beaucoup ce qu'on appelle le drap de Bonneval. C'est quoi le drap de Bonneval ? Le drap de Bonneval, c'est une laine cardée, tissée, rasée, qui a des multiples vertus, puisqu'elle est à la fois chaude, robuste, imperméable, et c'est elle qui va permettre de réaliser, dès 1830, les premières tenues de montagne, qu'on va utiliser pour faire de l'alpinisme l'été, et puis, une fois qu'on va passer aux pratiques de montagne en hiver, on va continuer à utiliser ce drap de Bonneval pour confectionner des pantalons, des vestes. On utilise ce qu'on a à disposition, c'est-à-dire du drap de laine et du cuir, qui sont des matières très courues au du drap de laine, du cuir, de la fourrure, mais également déjà du jersey. Hein, l'extrait de 1910, qu'on a entendu tout à l'heure évoque cette importance déjà du jersey. Alors, il y a évidemment une pratique plus ancienne, pourrait-on dire, d'un ski qui n'est pas le ski alpin, mais qui remonte donc au nord de l'Europe et en particulier aux pays scandinaves. Et d'ailleurs, c'est peut-être la première norme pour le vêtement de ski, comme nous le dit Anton Friedrich dans un autre extrait de ces sports de neige de 1910, traduit en français en 1912 par René Auchert chez Hachette, élu ici par Elsa Dupuis. L'équipement le meilleur est sans doute le vêtement appelé norvégien. Il est élégant et avant tout très masculin. On ne peut accorder ces qualités au jersey. Les jerseys ont d'ailleurs, comme tous les vêtements tricotés en laine, la désagréable propriété d'absorber et de retenir beaucoup de neige dans les chutes. Même dans le cas où les contacts avec celles-ci ne seraient pas trop fréquents, et ils ne sont pas le monopole des débutants, le jersey absorbe par un grand froid au moyen des fibres de sa laine les particules humides exhalées par le corps sous forme de givre. Pendant les froids modérés, il est trop chaud. Il doit donc rester dans le sac, et on ne doit l'en sortir et le mettre sous sa veste que comme préventif contre un refroidissement au repos, pendant les repas ou dans les cases analogues. Comme coiffure, la meilleure est la casquette norvégienne, qui peut être rabattue sur les oreilles. Par des temps très froids, il est bon d'employer le passe-montagne, sorte de bonnet en jersey recouvrant toute la tête et ne laissant d'ouverture que pour les yeux et le nez. Les vestons de cuir sont très bons pour garantir du vent et du froid, mais ceux qui transpirent facilement ne les porteront pas longtemps. Il est plutôt recommandé d'emporter suffisamment de linge et d'en changer souvent. Les pantalons ne doivent pas être trop étroits. Une étroite bande molletière, souvent bigarrée et qui apporte un peu de couleur au reste de la tenue généralement sombre, rend hermétique l'intervalle qui le sépare de la chaussure. Pour les mains, il faut de longs gants épais à revers. La laine convient bien, mais elle est lourde quand elle est humide. De la toile à voile ou du cuir fourré tiennent plus chaud et sont plus imperméables. Les gants les meilleurs sont ceux de laine tricotée et assez légers. Lorsqu'il fait chaud, ils sont peut-être un peu trop perméables, mais s'il fait froid, la neige qui les imprègne forme une sorte de carapace impénétrable et de beaucoup supérieure aux gants de laine épais toujours humides. Un autre extrait des Sports de neige d'Anton Fendrich, donc écrivain et homme politique allemand, qui écrit cela en 1910 dans notre émission consacrée aujourd'hui à l'invention d'une mode du ski et du sport d'hiver tout au long du XXe siècle. Anaïs Quien. Alors peut-être pour commenter ce texte, donc très précis hein, dans ses observations, d'ailleurs c'est assez drôle, Régis Boula, ce qu'on appelle jersey, c'est un tissu tricoté, c'est-à-dire que ce n'est pas forcément de la laine. C'est effectivement une matière tricotée qui tire ses origines de l'île de Jersey, où en fait elle servait à fabriquer les tricots des marins. Le jersey est à la fois souple, solide, et il devient finalement une matière idéale pour habiller un corps en mouvement au moment où on commence à s'adonner aux joies des sports, pas seulement des sports d'hiver d'ailleurs, du sport en général. Mais il y a quelque chose d'assez étonnant, il n'est jamais question de pull-over. Très peu. C'est à la fois étonnant et pas étonnant. C'est-à-dire que le ski est au départ une activité essentiellement masculine qui est pratiquée avec des vêtements, je dirais, caractérisés par le chic britannique. Ce sont les Britanniques qui ont à la fois théorisé les principaux sports, dont les sports d'hiver, et puis en même temps, ils ont impulsé et ils ont donné le ton pour la mode. Été invités par, en fait, des Suisses à Saint-Moritz, par exemple, des hôteliers qui, au milieu du 19e siècle, expliquez-vous, Régis Boula, les ont fait venir donc en espérant que participer ainsi au grand tour britannique, pourrait-on dire, de l'Europe et les détourner vers les stations de ski et les faire venir pour autre chose que pour l'alpinisme, mais aussi donc faire naître cette population. C'est sans doute un hôtelier du nom de Johannes Badrut à Saint-Moritz dans le massif de l'Engadine qui, aux alentours des années 1864-65, a incité sa clientèle d'été à rester pour la saison d'hiver et à découvrir un certain nombre de sports d'hiver. En ce sens, c'est un hôtelier visionnaire, absolument. Oui. Et donc, ce qui explique cette prédominance dans un premier temps de cette mode britannique que vous nous donnez là, donc en particulier les tweeds, des habits de ce style-là, oui, qui sont en fait des sortes de démarques d'une mode britannique classique pour la campagne, mais qu'on va adapter les Britanniques ont inventé au 19e tout un tas de tissus, de matières qu'on pourrait qualifier de techniques aujourd'hui. Hein. Je pense à Burberry, je pense à Barbour qui ont inventé respectivement des toiles imperméabilisées, etc. Et dans la mesure où, je le disais, les Britanniques ont codifié la plupart des sports, et bien ma foi, c'est le chic britannique qui est disponible dans des grands magasins parisiens de l'époque, comme Tomner par exemple, ou Madelios. Mais c'est très important, on skie en cravate à l'époque. Hein. Oui, c'est là qu'on voit bien aussi que c'est un sport d'élite et puis c'est un sport mondain aussi. Absolument. Il y a cette silhouette britannique très typique et ces mondanités qui sont très liées à cette invention touristique d'une saison supplémentaire d'hiver. Mais finalement, la journée de l'hivernant type dans les stations à l'époque, elle se divise en trois parties finalement, parce que vous avez la pratique du ski en elle-même et puis ce qui nécessite déjà plusieurs tenues. Ensuite, vous avez le thé. L'heure du thé, une fois qu'on a descendu les pistes, et puis vous avez la soirée mondaine où là le smoking et les tenues de soirée sont les robes longues sont de rigueur. C'est-à-dire donc, une occasion supplémentaire d'exhiber sa garde-robe. Absolument, absolument. Et donc comme on pouvait le faire sur la Riviera l'été, là on vient le faire, ou même l'hiver d'ailleurs, parce qu'on allait aussi sur la Riviera l'hiver dans cette époque du 19e et du début du 20e siècle, on va le faire donc dans les montagnes suisses, autrichiennes, allemandes. La France rejoint assez vite le peloton de ces lieux touristiques qui développent le ski, justement. C'est quoi? C'est le club alpin français? C'est la fin du 19e siècle? Alors, il y a deux choses. Il y a le développement de la pratique du ski d'une part, il y a l'apparition des premières stations. Pour ce qui est de la pratique du ski, on doit le développement de la pratique en France à un certain nombre d'individus isolés, par exemple Henri Duhamel, au Touring Club de France, aux sociétés touristico-sportives, mais également à l'armée, qui joue un grand rôle dans l'introduction du ski en France, puisque l'armée souhaite à la fois maîtriser des techniques qui sont déjà maîtrisées à l'époque par les alpinistes italiens ou les skieurs autrichiens, les militaires autrichiens, mais également elle souhaite lutter contre la dégénérescence de la race alpine. Et d'ailleurs, l'extrait d'Anton Friedrich est suivi un petit peu plus loin dans le texte de tout un paragraphe sur les bienfaits du ski, au premier chef desquels les effets sur le corps. Mais cette vision de la population montagnarde paraît terrible, évidemment, vu de 2019, comme on l'explique, c'est-à-dire que c'est ces gens qui habitent en montagne ne pratiquent évidemment pas sports d'élite. Absolument pas, et ils assistent incrédules. Voire même pour certains hostiles à ces citadins qui s'essayent un peu malhabilement à la pratique du ski, y compris dans les premières stations, parce que j'ai pas fini de répondre à la question tout à l'heure. Pour ce qui est des premières stations françaises, bien évidemment, on peut évoquer la station de Megève, qui apparaît en 1920-1921 à l'initiative de Noémie de Rothschild, de la baronne Noémie de Rothschild, et qui va sans conteste être une des premières stations françaises. Mais déjà, avant 1914, vous dites qu'il y a 60 à 70 clubs de ski en France, avant la Première Guerre mondiale. Donc on est dans la naissance, pourrait-on dire, d'un phénomène qui va s'accroître d'une nébuleuse de pratiquants, essentiellement des urbains, des catégories sociales très très aisées, et qui s'adonnent à cette découverte du ski. Alors continuons la découverte de ce livre d'Anton Friedrich, Les sports de neige, 1912, pour la traduction française, écrit en 1910, au tout début du XXe siècle, justement avant cette Première Guerre mondiale. Vous avez beaucoup évoqué la place masculine de ces sports d'hiver dans un premier temps, mais évidemment, il y a tout de même des femmes, des filles qui accompagnent ces hommes qui vont à la neige, et elles font aussi s'habiller chaudement pour pouvoir faire des sports d'hiver. Elsa Dupuis. Dans le vêtement féminin, on s'achemine de plus en plus vers une tenue aussi simple que possible. Ceci est dû aussi à une influence norvégienne. Quoiqu'il soit impossible là-bas qu'une femme fasse du ski en pantalon à cause du qu'en dira-t-on. Et cependant, un vêtement complètement dépourvu de tout luxe, avec une jaquette simple, sous laquelle se porte une blouse et un pantalon tout aussi simple, ni large ni bouffant, qui va jusqu'au-dessus des genoux et se continue par une bande molletière, a très bon aspect. Ce dernier équipement est très saillant pour les jeunes femmes. Et l'œil est déjà presque habitué à les voir porter des pantalons bouffants recouverts d'une jupe courte descendant jusqu'aux genoux. Somme toute, il est préférable d'avoir un vêtement dégageant bien les jambes. Cette tenue est aussi indiquée pour les femmes dont les lignes sont plutôt à dissimuler qu'à accentuer. Mais il faut remarquer qu'à partir d'un certain âge, le port du pantalon ne rajeunit jamais. Tout cela est une affaire de goût personnel. Qui veut avoir avant tout quelque chose de pratique ? Et le pantalon est ce qu'il y a de plus pratique pour faire du ski. Peut songer que si l'esthétique n'y trouve peut-être pas son compte, ce sport s'en trouve pourtant facilité. Pour les jeunes femmes, il convient toujours de dissimuler dans le vêtement la ligne des hanches. Avec une ceinture de cuir fortement serrée, une jaquette et un pantalon bouffant, elles ont l'air extraordinairement négligées. Au reste, à ski aussi, du moins tant qu'on n'en a pas aux pieds, l'habit fait le moine. Vous écoutez France Culture, La Fabrique de l'Histoire, Emmanuel Laurentin. Et on a fait le grand écart, évidemment, entre ces tenues stylées des années 1910 et la musique des bronzés font du ski. On peut se souvenir des tenues. Légendaire sexisme des pistes de ski. Exactement, et Marianne Chazelle dans sa tenue très colorée des bronzés font du ski. C'est la musique de Gilbert Montagnier pour ce film. On continue avec vous, Anaïs Quin, avec Régis Boulat, notre invité, et les lectures d'Elsa Dupuis autour de cette question de la mode des sports d'hiver. Évidemment, le débat autour du port port du pantalon par les femmes impacte directement cette question du vêtement de sport d'hiver et des loisirs de sport d'hiver. Évidemment, le problème, c'est les femmes. Les femmes pratiquent déjà le pantalon, oui. Mais enfin, les femmes pratiquent déjà le patin à glace. Et oui, parce que le ski est un sport qui intervient très tardivement. Très tardivement, on oui. Il arrive en plus. Bien d'autres loisirs peloton, d'hiver avant. Les femmes pratiquent déjà notamment le patin à glace bien avant. Et évidemment, un jour, elles veulent se mettre au ski. Et le problème, c'est quelle tenue porter. Et les magazines féminins de l'époque conseillent des jerseys épais, des jupes, mais un peu raccourcies. Et le problème, comme le soulignait l'extrait, c'est que y a un côté pratique qui fait défaut parce que ces jupes entravent les mouvements, les plis des jupes se chargent de neige et évidemment il est hors de question de porter un pantalon. Il y a une photo qui date de 1908 d'un petit groupe de skieuses à Chamonix qui sont toutes dans des robes courtes avec des cols en fourrure et des poignets en fourrure. Il y en a une seulement qui porte veste et pantalon. C'est l'aviatrice et aventurière Marie Marvin qui défraye à ce moment-là la chronique. Mais donc on va inventer des combinaisons un petit peu pudiques de oui, pantalons mais couverts par une très longue tunique et notamment. Il y a plusieurs choses. Les femmes vont progressivement, pour les plus aventurières d'entre elles, porter des pantalons longs, bouffants, qui sauvegardent la pudeur et la morale. Mais par exemple, dans le catalogue de la manufacture d'armes de Saint-Étienne de 1910, on trouve au corps des éléments de vestiaire qui peuvent dissimuler ce pantalon le moment venu. En l'occurrence, le catalogue propose à ses clients des caplines, des grandes caplines qu'elles peuvent mettre sur leurs épaules pour une fois la pente descendue. Voilà, et puis mettre en jupe en quelque sorte pour dissimuler le pantalon le reste du temps, mais pour sauvegarder les apparences. Ce qui est quand même très étonnant, Régis Boula, c'est qu'effectivement on invente une mode avec un milieu que personne ne connaît ou pratique très peu, même si ces alpinistes du dimanche ont fait de l'alpinisme généralement l'été. La découverte de la neige, la découverte du climat, de la rigueur de ce climat pendant l'hiver, doit complètement chambouler les ordres, pourrait-on dire, habituels du vêtement, parce qu'il faut savoir s'il faut s'habiller chaudement, pas chaudement, trop chaudement, comment passer du chaud au froid, du froid au chaud, etc. Tout ce qu'on apprendra plus tard quand on fera du ski. Et c'est pour ça que les montagnards ont ce bon vieux principe qui est le principe de la pelure d'oignon. C'est-à-dire il faut mettre un certain nombre de couches les unes sur les autres pour pouvoir, le moment venu, en enlever et s'adapter à votre état de transpiration et à votre pratique sportive. Anaïs Quin. Alors, on va faire appel à des experts, notamment des Scandinaves. Il était question de tenue norvégienne dans l'extrait d'archives précédent lu par Elsa Dupuis. On va faire venir des experts et on va les consulter pour comprendre comment créer ces espaces de loisirs, mais aussi les accessoiriser, notamment pour le matériel de ski, mais aussi pour les vêtements de ski. Alors, il y a le matériel, le vêtement et les stations dans votre question. C'est-à-dire que d'un côté... Concentrons-nous plutôt sur les vêtements. Sur les vêtements. Oui. Mais bon, ça va un peu avec le reste. C'est-à-dire qu'évidemment, la pratique étant totalement inconnue, et le fait même de construire une piste n'est pas quelque chose auquel on est familier, on fait venir, c'est notamment le cas de la baronne Rothschild à Megève, elle fait venir des entraîneurs et des moniteurs norvégiens, autrichiens, suisses, qui amènent avec eux, évidemment, certaines techniques de ski, mais également des matériels, mais également des tenues, par exemple la tenue norvégienne. Et la tenue norvégienne, c'est en fait un pantalon bouffant, resserré à la cheville, qu'on peut porter. Très britannique, donc. Ça reste britannique, qu'on peut porter avec, effectivement, quand on ne met pas de chemise et de cravate ou de veste, qu'on peut porter avec des gros pulls et le cas échéant, un anorak ou une parka. C'est selon. La préhistoire de l'anorak et de la parka. Exactement, préhistoire. Et effectivement, ce que vous disiez à l'instant même, Régis Boula, comment s'habiller quand il fait si froid et comment faire quand on commence à transpirer, c'est ce qu'expliquait justement la suite du texte d'Anton Fendrich en 1912 dans Les sports de neige. La plus grande faute commise par la plupart des gens et de s'habiller trop chaudement. Les mères en particulier, trop soucieuses, surchargent inutilement leurs enfants. Le sport du ski active à un tel point la circulation que, à part un gilet chaud un peu plus épais, on peut se contenter d'étoffes à peine plus chaudes que celles qu'on emploie en été pour les excursions en montagne. Beaucoup de parents seront stupéfaits d'entendre dire que leurs enfants doivent faire leurs courses de ski en pantalon et en bras de chemise, même sans casquette, et que si, après l'arrivée au but, ils se couvrent bien, cela ne leur fera pas de mal. Alors évidemment, nous sommes toujours avant la Première Guerre mondiale avec Anaïs Quien et avec Régis Boula pour pouvoir évoquer cette naissance et ce développement des sports de neige et en particulier du ski. On est toujours dans cette, il faut bien préciser pour nos auditeurs, dans ce moment où il y a que quelques milliers de personnes qui participent à ces stations de ski et qui travaillent ou qui viennent les fréquenter l'hiver. C'est encore la Première Guerre mondiale, c'est un peu de marqueur pour pouvoir comprendre ce qui se passe avant et ce qui se passe après, Régis Boulin. Oui, sans doute. Hein, la pratique va surtout se développer pendant l'entre-deux-guerres. Mais elle reste extrêmement confidentielle avant la Première Guerre mondiale. C'est ça. Ouais. Et pendant l'entre-deux-guerres, on va avoir des accélérateurs, pour autant dire. On a l'accélérateur des Jeux Olympiques qui se crée à ce moment-là, les Jeux Olympiques d'hiver, avec Chamonix en 1920. Ouais, avec... Qui porte encore pas le nom de Jeux Olympiques, c'est la semaine des sports d'hiver. Ah, hein. Ce sont les suivants qui vont recevoir officiellement l'appellation de sport d'hiver. Oui, mais je pense que pendant l'entre-deux-guerres, il faut distinguer les années 20 et les années 30. Mm-hmm. D'un côté, on a les années 20 où on assiste à un premier essor du tourisme hivernal qui reste réservé à une élite en raison du développement des liaisons ferroviaires avec les Alpes, de la publicité qui se développe pour les nouvelles stations UP comme Megève qui en gros fréquentée par 15 000 hivernants fin des années 20. Et puis il y a une valorisation du sport aussi qu'on Absolument. Note dans ces années 20 où on parle beaucoup de boxe, de judo, les grands artistes de Montparnasse se griment aussi. Volontiers en sportif. Ouais, je pense à Fujita qui donne un très long interview sur sa pratique du judo dans je ne sais plus quel magazine des années 20. Donc on a aussi une très forte valorisation du corps et du corps dans son effort dans les années 20 qui est totalement inédit. Absolument. Et c'est pour ça que du côté des fabricants de vêtements, aussi bien du luxe que du prêt-à-porter, on se met à proposer aux clients, riches ou moins riches, des vêtements qui vont être adaptés au sport qu'ils pratiquent. Et là, c'est très intéressant parce que les artisans alpins vont s'y mettre aussi. C'est-à-dire que après avoir regardé peut-être avec un peu de surprise l'arrivée de ces... non pas ces estivants, mais ces hivernants qui viennent sur leur territoire pour pouvoir pratiquer le ski en étant de la très bonne société européenne, ils vont imaginer qu'on va pouvoir développer une industrie. Vous avez travaillé sur ces questions industrielles, une industrie autour de ces pratiques du sport d'hiver, aussi bien d'ailleurs pour les skis, pour les chaussures, pour les vêtements, pour les remontes-pentes. Enfin, on va tout inventer à ce moment-là. Et l'hiver devient un produit de consommation en fait, et les habitants des Alpes qui sont à la fois réactifs et très malins comprennent vite leur intérêt. Alors on peut distinguer le matériel, pour prendre deux exemples, le matériel et les vêtements. Pour le matériel, il y a évidemment le cadre Rossignol sur lequel j'ai travaillé plus précisément. L'entreprise est fondée par un menuisier, Abel Rossignol, qui en plus de tout son travail de menuiserie destiné au métier à tisser du textile dauphinois ou de la région, va créer un tout petit atelier dans lequel il fabrique des skis en bois. Après être allé faire un voyage d'études en Norvège. En Norvège. Avant Puis la surtout guerre. Après avant être passé par l'école de ski l'école de ski de Briançon. Hein. Et il fait ça accompagné par l'armée d'ailleurs. Par l'armée, le capitaine Clair notamment en 1911. Et ça lui permet au retour d'améliorer un peu sa fabrication. Alors la légende voudrait qu'il aille lui-même choisir les frênes sur les montagnes du Dauphiné qui permettent de faire des skis tout à fait de très bonne qualité. Et les skis Rossignol sont effectivement de très bonne qualité puisqu'ils sont choisis par l'armée pour s'équiper pendant la Première Guerre mondiale. Mais l'autre versant de votre question, c'était les fabricants de vêtements. Et là, on a un exemple qui est intéressant aussi, c'est Allard. à l'art à Megève, puisque Armand Allard fait partie de ces locaux qui vont assez rapidement produire des vêtements spécifiques. En l'occurrence, Allard va proposer les premiers fuseaux. Et parce que jusque-là, on n'a quand même rien de très efficace. Ben non, on manque de vêtements techniques. Hein, c'est l'extrait qu'on entendait tout de suite, parce que le sport nécessite des vêtements techniques qui doivent tout à la fois donner de l'aisance pour permettre des mouvements, mais également évacuer la transpiration et protéger de la pluie et du froid. Et puis, grand problème, quelles chaussures a-t-on à son pied? Déjà, en 1910, eh bien, notre ami Anton Fenrich est devenu notre ami depuis le début de cette émission, puisque nous avons lu 4 textes de lui. En tout cas, Elsa Dupuis les a lus. Donc, eh bien, notre ami Anton Fenrich réfléchit à ce qu'il faut mettre au pied lorsqu'on veut faire du ski. Pour les pieds, surtout pour la chaussure, il y a une chose qu'on doit recommander tout spécialement. Choisir toujours la première qualité, aussi bien en ce qui concerne le cuir que la forme. Sans une bottine vraiment bonne, faite spécialement pour cet usage, le skieur n'éprouve que la sensation d'un bain de pied froid et prolongé. Le cuir le plus convenable pour les souliers à neige est le veau provenant d'animaux ayant plus de 6 semaines, sinon leur peau est trop mince. Celui des jeunes taureaux n'est pas non plus à recommander. Le cuir gras n'est autre chose que du veau dont on a obturé les pores au moyen de graisse liquide. Il devient alors imperméable et souple, tandis que la peau de veau ou de mouton, généralement tannée avec de la lin, est par conséquent hygrométrique. On doit fortement conseiller les bottines doublées de fourrure, pourvu que l'on use de peau de chien tannée d'un côté et à poil court. Elles sont très chaudes, mais il faut en avoir au moins 2 paires, car la garniture de fourrure de l'intérieur demande, quand elle est devenue humide, au moins 1 jour pour bien sécher. Les gens qui transpirent feront mieux de les éviter. C'est vraiment notre ami Anton Fenrich parce qu'il pense à nous, il pense à ceux qui transpirent des pieds, il ne pense faut à jamais ceux skier seul. Qui ont fait entrer de la neige dans leurs chaussures et qui les retrouvent toutes mouillées avec la fourrure à l'intérieur. C'est des questions effectivement très pratiques, mais néanmoins qui vont omnubiler les skieurs tout au long du XXe siècle. Et c'est des questions capitales puisque la chaussure, c'est ce qui vous permet d'avoir la bonne stabilité sur votre ski. Et donc, en plus du problème de la chaussure, il y a le problème de la liaison chaussure fixation ski, hein, puisque si vous êtes fermement arrimé à votre ski, vous allez pouvoir les guider facilement, mais si vous tombez, vous cassez la cheville. À l'inverse, si la fixation est un petit peu plus lâche, si vous tombez, vous cassez pas la cheville, mais en revanche, votre ski est moins facilement dirigeable. Et puis cette question de la fourrure, elle est importante, puisque plus tard, on va en parler plus tard, j'imagine, mais les entreprises comme Dupont, cherchant les meilleures protections contre le froid, vont énormément travailler sur la structure moléculaire, en quelque sorte, je ne sais pas si le thème convient, mais des poils de fourrure, pour voir en quoi des molécules... Des fibres synthétiques. Des fibres synthétiques, pardon, pourraient avantageusement les remplacer. Anaïs Quin. Alors, les années 30, puisque nous avançons dans le siècle, sont aussi une amélioration du confort pour ceux qui veulent pratiquer les sports d'hiver. Régis Boula, puisque les remontes-pentes progressent, puisque jusque-là, on remontait les pentes à pied. Mmh, mmh. Et puis, les lignes de train, aussi, en direction des massifs alpins, se développent. Donc, on voit, je crois, qu'on multiplie par 10, voire peut-être même par 100. Le nombre de praticiens de la montagne en hiver, sans même aller jusqu'à affirmer qu'ils skient d'ailleurs. Oui. Et l'important, l'important pour ce qui nous concerne, c'est que la mode arrive à convaincre les vrais ou les faux skieurs. Hein. Mais ce que vous dites est entièrement vrai, c'est-à-dire qu'on assiste dans les années 30 à un double mouvement, à savoir un mouvement de sportivisation de la pratique du ski, puisque si on monte plus haut, on dévale des pentes plus fortes et le sport devient moins une pratique mondaine qu'un, enfin le ski moins une pratique mondaine qu'un sport à part entière. Et puis d'autre part, on assiste à lentement une progression du nombre de skieurs. On estime qu'il y a en France, en 1936, et ça, la période du Front Populaire, 36-38, fin des années 30, et Capitale. Oui, parce qu'il y a les trains de neige, c'est ça? C'est ça, les fameux Biélagrange, ouais. On estime qu'il y a en gros 50 000 licenciés à la Fédération Française de Ski en 36, et en gros que la saison d'hiver concerne 500 000 personnes. Ah oui, ça devient... pour l'hiver 36, l'hiver 36-37. On est loin des 15 000 de Megève de la Première Guerre mondiale. Oui. Ça prend une ampleur. Et du coup, le sportswear, puisque le terme apparaît, se développe de plus en plus, le sportswear est en train de conquérir les élégantes et les élégants, qu'il s'agit de vrais ou de faux skieurs, avec un certain nombre de grands magasins, Belle Jardinière, Bon Marché, qui créent des rayons spécialisés. On porte ces vêtements de sport d'hiver en ville? On commence à noter la présence de ces vêtements en ville ou pas encore? Pas encore. Je me trompe peut-être, mais j'ai l'impression que les élégantes vont se mettre à porter leur tenue de montagne en ville pendant l'occupation, parce qu'il y a un hiver rigoureux en 41-42 qui va amener certaines élégantes parisiennes, pour se protéger du froid, à porter leur tenue de ski à Paris. Mais dans les années 30, dans la mesure où ça reste réservé quand même à l'élite, on a clairement des vestiaires qui sont séparés. Maintenant, il y a des inspirations qui descendent dans le sportswear, en fait. Alors, ce qui est très intéressant, c'est qu'on voit à la fois le développement des champions de ski, la création d'une figure comme celle d'Émile Allais, qui a beaucoup marqué les années 30 en particulier, grâce à ses succès aux JO, mais aussi aux championnats du monde en 1937. Il y a Émile Allais, un début de commercialisation, pourrait-on dire, d'une ligne Émile Allais, c'est ce que vous expliquez, Régis Boulin. Et puis, les créateurs de mode très à la mode à l'époque, comme Schiaparelli, Hermès et Lanvin, inventent là aussi des gammes qui sont des gammes de sport d'hiver. On est loin du bricolage du début que vous nous décriviez. On entre dans une pré-industrialisation, pourrait-on dire, de cette mode liée aux vêtements de ski. Émile Allais, c'est vraiment la figure centrale dans le monde du ski et des sports d'hiver. C'est un Mégevin d'origine très modeste, puisqu'il est fils de boulanger, je crois. Et il est d'abord Sherpa pour les riches clients de l'hôtel du Mont-d'Armois, de la baronne de Rothschild, avant de devenir le skieur génial qu'on connaît, puisqu'il est effectivement médaille de bronze au JO de Garmisch en 36, champion du monde, c'est les premiers championnats du monde d'ailleurs, en 1937 à Chamonix. Et puis... Il a l'expérience, et avec lui, on entre dans des réseaux sociotechniques d'innovation, puisqu'il travaille avec Abel Rossignol à l'amélioration constante du matériel, des skis. Ça va d'ailleurs donner, pendant la guerre, à la naissance, à une ligne de ski qui s'appelle l'Allais 41, fait vraiment par Rossignol et Allais. Et dans ces années 30, on assiste aussi au début, au balbutiement de l'invention de ces textiles totalement artificiels, qui justement, comme vous le disiez tout à l'heure, Régis Boula, vont progressivement prendre la place du cuir et de la fourrure. On en est vraiment qu'au tout début. Qu'au tout début, hein. Les premiers anoraks datent de cette époque-là, c'est cela, juste avant la Seconde Guerre mondiale, c'est ce que. Les anoraks, c'est plus ancien que ça. Le mot anorak vient en fait d'un mot inuit qui signifie le vent, et la parka, c'est un mot inuit qui signifie peau de bête. Et ce sont des éléments du vestiaire d'hiver de montagne déjà à la fin du 19e siècle. D'accord. Mais ce qu'il y a d'intéressant, c'est que progressivement, pendant l'entre-deux-guerres, puis surtout après la Deuxième Guerre mondiale, on va les améliorer avec des nouvelles matières, des nouveaux textiles techniques qui vont permettre d'avoir plus chaud, d'évacuer la transpiration et d'être imperméable. Alors, vous avez retrouvé, Anaïs, une interview de Marielle Guatchel, donc grande championne française bien après Émile Allais, puisque elle a été championne à Grenoble en 1968, et elle évoquait justement la question de ce vestiaire un peu rudimentaire sur lequel on va peut-être insister ensuite dans les années 60. Les sportifs ont eux aussi célébré leur mai 68 l'année dernière, donc il s'agissait d'une interview de l'équipe du 8 mars 2018 où Marielle Guatchel se rappelait non pas d'événements dans le quartier latin, mais des Jeux Olympiques de 68 qui ont eu lieu à Grenoble. Et on va voir à quel point cette ville a marqué aussi l'histoire de la créativité en matière de mode d'hiver. Vous allez jouer la journaliste de l'équipe et Elsa Dupuis va jouer Marielle Guatchel. Marielle Guatchel, quand on regarde dans le rétroviseur les looks des Jeux Olympiques de 68, c'était quelque chose, non ? Oui. À l'époque, les vêtements de ski étaient conçus avec des couleurs tristes, pas drôles. Je nous revois à Innsbruck, en Autriche, on était tous en bleu marine. Nous, les filles, on n'en voulait plus. Alors j'ai imaginé le pull blanc et je l'ai imposé, au moins c'est éclatant. Les gants de couleur, c'est aussi moi qui en ai eu l'idée. Vous suggériez donc vos idées à vos sponsors ? Exactement. Et ils les prenaient. Les chaussures de ski à rentrer par l'arrière, c'est aussi moi qui y ai pensé. J'ai toujours été avant-gardiste car j'adorais ça. Quel regard portez-vous sur l'évolution du matériel ? Les skis de l'époque étaient immenses, beaucoup plus lourds. Ils faisaient 2 mètres de long. Quand je les regarde et que je les soupèse, 50 ans après, on est vraiment dépassé. Le cuir dur par moins 15 degrés à Val d'Isère, quelle souffrance ! On avait si mal aux pieds qu'on gardait nos vieilles chaussures. On mettait de la colle araldite dessus tous les jours. Ça les assouplissait. Sinon, c'était insupportable. D'ailleurs, si vous regardez bien les images des JO de Grenoble, vous verrez que Kili et moi avions des chaussures dégoûtantes. Et si vous regardez les images d'archives, mon dernier crochet n'est jamais fermé. Le pisteur au démarrage me disait toujours que je n'avais pas fermé mes chaussures, mais j'avais besoin de sentir mes pieds. Les chaussures modernes sont tellement rigides. Voilà donc pour cette interview à l'équipe de Marielle Guatchel. C'était en 2018 pour les 50 ans des JO de Grenoble. On a fait un saut dans le temps entre la Seconde Guerre mondiale et ces années 60. C'est aussi un saut technique considérable qui s'est passé juste, même si Marielle Guatchel se plaint d'avoir mal aux pieds. On a quand même beaucoup changé entre la tenue d'Émile Allais avant la Seconde Guerre mondiale et celle de Marielle Guatchel ou de Jean-Claude Killy au moment de Grenoble. Le saut est considérable. Puisque certes, du côté du luxe, on a toujours des collections toujours très luxueuses faites par les grands créateurs, mais la chose importante, c'est que le vêtement devient de plus en plus technique, qu'il profite de la mise au point de nouvelles fibres. Alors le fuseau devient un véritable accessoire de mode, mais surtout le lycra arrive, mis au point chez Dupont en 59. Il arrive. Dupont de Nemours. Ouais. Il arrive intégré à des tissus de laine et c'est une révolution parce que ça apporte tout de suite une élasticité, une aisance qui est tout à fait appréciable. Et on va l'utiliser dans la confection des fuseaux des athlètes féminins, notamment JO de Grenoble, Guatchel emporté. Et d'ailleurs là, on voit bien que la pratique des sports d'hiver et du ski en particulier participe du resserrement du vêtement. C'est-à-dire que évidemment, lorsqu'on parle de lycra, lorsqu'on parle de fuseau, le corps est de plus en plus apparent sur le vêtement, puisque le vêtement est de plus en plus près du corps. Absolument. Et épouse toutes les courbes du corps. On est très loin du texte que lisait Elsa en début d'émission, où surtout il fallait cacher toutes les courbes féminines, notamment, que suggérait le port d'un vêtement de ski. On ne cache plus le corps, on le montre, et tous les fabricants, créateurs qui se réunissent tous les ans lors du Salon international des sports d'hiver de Grenoble, progressivement mettre sur le marché, année après année, des pièces de vestiaire de plus en plus techniques et pour lesquelles le renouvellement devient de plus en plus rapide. C'est l'invention d'une marque dans les années 50, celle de la doudoune Moncler par exemple, mais c'est aussi une entreprise industrielle, il faudrait peut-être y insister, et nationale, voulue par De Gaulle et les ministères gaullistes des années 50 et des années 60, où on va regrouper l'effort en prévision des JO de 1968 pour pouvoir justement avoir des fabricants français de ski, de chaussures, de bâtons de ski, de vêtements de ski, de bonnets, de gants, etc., etc. Donc avoir une tenue entre guillemets française. Que Jean-Claude Killy, Guy Perilla, Marielle Guatchel ou encore Isabelle Mire vont arborer à Grenoble en 68. Ouais, ces JO de Grenoble ont vraiment une importance capitale. C'est le triomphe, ils symbolisent le triomphe des athlètes et des équipementiers français. et surtout ils viennent clôturer une décennie au cours de laquelle le ski français s'est développé comme jamais et a également franchi un certain nombre de sauts techniques les uns après les autres. Mais ces JO, ils ont également une, ils sont également très importants parce que ce sont les premiers à être retransmis en direct dans 32 pays en couleur, puisque le RTF à l'époque avait mobilisé 62 caméras, je crois, dont 25 ou 26 caméras en couleur, et ça a permis de toucher 600 millions de téléspectateurs. Et quand Jean-Claude Killy, à 24 ans, devient triple médaillé sur des skis dynamiques avec sa combinaison moulante bleue, c'est le monde entier qui le voit. On n'a peut-être pas assez souligné d'ailleurs le rôle des champions et des championnes de ski et des différentes disciplines de sports d'hiver dans la promotion des articles et notamment du vêtement de sport d'hiver qui va ensuite devenir un vêtement porté en ville par toutes et par tous et un peu à tous les âges d'ailleurs. Vous parliez de Jean-Claude Killy, on faisait parler Marielle Guachel qui revendiquait d'avoir inventé certains changements. Et puis tout à l'heure aussi on parlait des couleurs. Ce qui est très étonnant, c'est de voir à quel point les couleurs étaient ternes dans le premier vestiaire de sport d'hiver, alors qu'aujourd'hui on a plutôt tendance à chercher des couleurs qui vont singulariser le corps humain au sein d'un paysage tout de blanc vêtu en cas d'accident, en cas de nécessité de chercher le sportif, le skieur, le randonneur perdu. Absolument. Je crois qu'il faut évoquer plusieurs choses. D'une part, la création à l'initiative de Laurent Boisvive qui a repris en 1956 l'entreprise Rossignol et dont il va faire le géant mondial que l'on connaît. Donc on doit donc à Laurent Boisvive la création avec quelques autres d'un pool des fournisseurs de l'équipe de France de ski où on retrouve pêle-mêle les fabricants de vêtements, les fabricants de ski, Montclair. Alpes, Montclair, Salomon, Rossignol. Et ce pool va contribuer aux bonnes performances des équipes de France pendant les années 60. Et il y a... Et autoriser aussi les marques à utiliser l'image des sportifs pour faire la promotion de leurs leur produits. Et il y a d'ailleurs dans le Dauphiné Libéré, à la veille des JO de 68, une double page où vous voyez sur la page de gauche l'équipe Rossignol, l'état-major de Rossignol, et de l'autre côté, sur la page de droite, les principaux athlètes français qu'on va voir à Grenoble. Et le titre, c'est Rossignol travaille pour l'équipe de France. Mais vous pourriez renverser la phrase, parce qu'elle serait tout aussi juste, puisque l'équipe de France travaille, en quelque sorte, pour Rossignol d'une manière détournée. Mais le problème, c'est que ça va aller un peu trop loin, et du coup, d'aucuns vont un peu pointer du doigt ce sport business, ce grand cirque blanc, pour reprendre l'expression de la journaliste Danielle Arnaud, qui est l'auteur d'un bouquin en vitriol sur le ski business dans les années 60 et 70. Mais Grenoble, je pense, devient vraiment la plaque tournante de ce ski business dans les années 60 et 70. Il y a des vraies évolutions qui se font dans les années 70 en matière de technique en particulier, l'invention du Gore-Tex, l'invention du Thinsulate ou des autres tissus qui permettent de transpirer et donc de ne pas avoir être mouillé ou trop mouillé. Transpirer sans moisir. Sans moisir, effectivement, ça n'est pas un kawé en l'occurrence qu'on porte dans ces cas-là, et aussi le développement de ces chaînes sportives, pourrait-on dire, de matériel sportif qui vont envahir les villes à partir des années 70, Intersport, la marque suisse, je crois, à partir 68, Décathlon qui vient d'ailleurs de dépasser Intersport en termes de chiffre d'affaires dans le monde, c'est inventé en 76, ou encore Go Sport en 79. Donc on va avoir ces matériels de sport, et en particulier de ski et de sport d'hiver, envahir les villes, comme le disait Anaïs, et devenir un vestiaire commun à beaucoup de gens. C'est important parce que cette multiplication des distributeurs et la création d'entreprises énormes, celles que vous évoquez à l'instant, va en fait entraîner une inversion du rapport de force entre fabricants et commerçants. Puisque jusque-là, c'est plutôt les fabricants qui avaient le haut du pavé et étaient en position de force. Simplement avec l'apparition des grandes surfaces, en quelque sorte sportives, d'équipements sportifs... C'est les distributeurs. C'est les distributeurs qui deviennent... Et qui vont d'ailleurs devenir eux-mêmes des fabricants, puisque Décathlon ou d'autres... Dans le cas de Décathlon, avec sa marque Montaigne, Quechua, un petit peu plus tard, oui, dans les années années 90. Anaïs Quin. Oui, et puis ça change aussi peut-être l'aspect de la rue, c'est-à-dire qu'on a changé d'uniforme urbain d'une certaine façon, Régis Boula. L'apparat urbain a totalement changé. Il faut se projeter comme un corps agissant, verticalisé, sportif et plein de vitalité, même en dehors d'un contexte sportif. C'est sans doute le triomphe du sportswear, hein, qu'on peut définir comme une famille assez large de vêtements, renvoyant à l'origine au domaine du sport, mais par extension, ça renvoie aux vêtements de loisirs et de détente. Est-ce que ça n'est pas aussi le triomphe du management, c'est-à-dire d'une nouvelle manière de se représenter au monde, toujours actif, toujours debout, toujours en mouvement d'une certaine façon? Ce ne serait pas seulement la victoire d'un marché? C'est sans doute le symbole d'une certaine modernité. Et le sportswear et voilà, c'est une modernité sans cesse recréée des années 30 à nos jours, c'est vrai. Mais... Et puis alors qu'on avait un petit peu de mal à imaginer un uniforme hivernal pour les femmes, finalement c'est un des marchés les plus importants avant celui des hommes et celui des enfants, je crois, Régis, oui, aujourd'hui. Les femmes, mais surtout les enfants. Alors, les femmes, les équipementiers découvrent, c'est le cas de Laurent Boisvive, qu'il faut proposer des skis spécifiques pour les femmes. Et ça va donner naissance au Miss Air, le Miss Rossignol, qui va être vendu à plusieurs millions d'exemplaires aux japonaises, le ski étant fabriqué dans l'usine d'Arthès en Espagne. Pour la mode, évidemment, on va voir apparaître une mode spécifique avec ses couleurs, ses codes, tout à fait particuliers. Mais vous avez raison de souligner l'importance du créneau enfant. Et ça, dès les années 70, les fabricants font des projections, enfin utilisent des statistiques démographiques pour se projeter à 10 et 20 ans pour évaluer le nombre de doudounes, de fuseaux qu'ils vont pouvoir vendre aux gamins de 5 à 10 ans, de 10 à 15 ans, aux parents des gamins. Ils vont les équiper. Absolument. Merci beaucoup, Régis Boula. On peut lire dans le dernier numéro de Mode Pratique, donc votre article consacré à cette histoire du vêtement de sport d'hiver, mais également sur d'autres plateformes qui regroupent des articles que vous avez pu écrire, en particulier sur l'industrie justement liée à cette question-là et les fabricants, les territoires des fabricants. Je récupère la note. Les fabricants alpins français de matériel de sport d'hiver, c'est dans Entreprises et Histoire. Merci encore d'être venu avec nous. On continue demain avec vous, Anaïs Quin, et on va s'intéresser à la question de l'environnement. Voilà, le dérèglement du climat, comment influe-t-il sur les saisons de la mode? Elsa Dupuy, merci beaucoup pour les lectures des textes qui avaient été choisis par Régis Boula. Cette émission a été préparée par Céline Leclerc et Marion Dupont. Jean-Frédéric, c'était à la technique aujourd'hui et Marie-Laure Ciboulet à la réalisation. On peut se retrouver, si vous le souhaitez, à la Sorbonne à 14h30 pour la grande journée qui commence dans un instant. Donc à la Sorbonne, le forum France Culture sur place avec beaucoup des émissions de savoir et de connaissances qui seront présentes autour de la question de la politique. Et pour notre part, à 14h30, nous discuterons avec des historiens et historiennes qui sont Marie Dejoux, Éric Anceau et Gérard Noiriel autour de la façon d'interpeller le pouvoir au cours du temps.